Je suis arrêté dans un embouteillage depuis 2 minutes. Dans le rétroviseur, un poids lourd est si proche de moi qu'il masque la visibilité derrière. Il est donc inutile que j'allume mes feux de détresse maintenant. En revanche, autant couper le moteur de manière à contribuer à la réduction des émissions de CO2 dans l'atmosphère. Dans un embouteillage, la consommation d'un véhicule peut quasiment doubler et atteindre près de 16 litres au 100 km pour un véhicule de gamme moyenne. Et laisser tourner le moteur au point mort au-delà de 20 secondes est nettement plus pénalisant en termes de consommation et de pollution que de couper le moteur pour le redémarrer plus tard.